السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Je m'excuse pour le retard. On va commencer tout de suite, inshallah. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Aujourd'hui donc on commence le cours numéro 31 et inshallah c'est le dernier cours de l'explication de Masail al-Jahiliya, donc avec le sharh de Sheikh Saleh al-Fawzan. On est aujourd'hui au cours numéro 116, c'est-à-dire plutôt le point numéro 116, c'est le cours 31. Donc on va terminer, inshallah, les derniers points de ce livre qui est très bénéfique, alhamdoulillah. Donc le titre de ce point c'est « Tanaqud aqwalihim wa tadarubiha » ou « tadarubuha ». Oui, « Tanaqud aqwalihim wa tadarubuha », c'est-à-dire le fait que les gens de la Jahiliyyah, leurs paroles, leurs positions, elles sont toujours en contradiction les unes avec les autres. Et donc, le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab dit « At-tanaqud al-wadih lima kazzabu bil-haq »« Kama qala ta'ala, bal kazzabu bil-haq lama ja'ahum, fahum fi amrim marij » C'est-à-dire que le Cheikh dit donc qu'ils sont dans une contradiction évidente lorsqu'ils ont traité la vérité de mensonge. Ils se sont contredits eux-mêmes. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 5 dans sourate Qaf, bal kazzabu bil haqqi lamma ja'ahum fahum fi amrin marij. Ils ont traité la vérité de mensonge lorsqu'elle leur est venue, alors ils sont dans une confusion dans leurs affaires. Et le Cheikh Al-Fawzan, il explique ça. Il dit « At-tanaqud huwa tadarubu al-aqwal wa ikhtilafuha. Faman taraka al-haq fa innahu yubtala bit-tanaqud wa tadarubi aqwalihi. Li'anna ad-dalala yatasha'ab wa la hadda li shu'abihi. Wa amma al-haq fa innahu shay'un wahid la yatasha'ab wa la yakhtalif. Wallahu jalla wa 'ala yaqul فماذا بعد الحق إلا الضلال فمن ترك الحق وقع في الضلال والضلال متاهة والعياذ بالله فتجد أصحابه مختلفين فيما بينهم بل تجد الواحد منهم مختلفة آراؤه لأنه ليس عنده هدى يسير عليه وإنما يتخبط تارة يقول كذا وتارة يقول كذا. Donc, le Cheikh, il dit, la contradiction, qu'est-ce que c'est? C'est lorsque les paroles se frappent les unes contre les autres et s'opposent l'une, l'autre et divergent. Ça, c'est la contradiction. At-tanaqud en arabe. At-tanaqud. Donc, celui qui abandonne la vérité, c'est obligatoire qu'il sera mis à l'épreuve par la contradiction et par le fait que ses paroles vont se frapper les unes contre les autres et se contredire l'une l'autre. Ça, c'est le résultat du fait d'abandonner la vérité. Parce que l'égarement, elle s'embranche. Hein? L'égarement, elle se multiplie, elle se divise. Hein? Elle devient plusieurs branches. Au fur et à mesure que quelqu'un s'enfonce dans l'égarement, eh bien, à chaque fois qu'il arrive devant une vérité et qu'il s'en écarte, eh bien, il s'écarte et donc il crée une nouvelle branche qui l'éloigne de la vérité. Hein? Donc c'est comme ça. Mais la vérité, c'est un chemin unique. Il n'y a pas d'embranchement dedans, il n'y a pas de diversité ou divergence. La vérité, c'est un chemin unique, un chemin droit, une seule voie. Hein? Et comme on dit à chaque fois, il y a cet exemple-là qui est facile à comprendre et qui est clair, c'est lorsque quelqu'un, par exemple, il ment. Lorsque quelqu'un a menti, on lui a posé une question et pour se sauver d'un problème, il a menti. Il arrive, bon, par exemple, 2 mois plus tard, on lui repose la même question et puis il répond par une autre réponse. D'accord? Pourquoi? Parce qu'il a oublié son mensonge, le premier. Il a donc répondu par autre chose parce qu'il a oublié le premier mensonge. Ou bien lorsque des gens, par exemple, doivent témoigner, lorsqu'ils ont été attrapés pour un crime ou quelque chose comme ça, et ils doivent passer, par exemple, à la police pour expliquer les faits, eh bien, s'ils mentent, ils vont raconter une chose, et puis après, ils vont raconter autre chose. Et souvent, c'est pour ça que les policiers font répéter aux personnes la même histoire plusieurs fois, même parfois ils vont leur faire répéter des dizaines de fois pour être sûr que la personne, elle n'a pas menti. Parce que si la personne ment, à chaque fois qu'on lui repose la même question, elle va changer de version, elle va rajouter des choses, elle va enlever des choses, ou bien elle va changer les faits. Tandis que la personne qui dit la vérité du premier coup, elle dira qu'une seule et même version du début jusqu'à la fin, parce qu'elle dit la vérité. Donc, ça c'est un peu un exemple pour comprendre qu'est-ce que le cheikh est en train de dire ici. C'est que la vérité c'est un seul chemin, il ne change pas. Tandis que l'égarement, eh bien, c'est quelque chose qui change, qui est toujours avec différentes faces, différentes voies, différentes branches. Elle t'amène de plus en plus vers l'égarement. Et le cheikh il dit, « Wallahu jalla wa ala yaqul, famadha ba'da al-haqq illa dalal » Ça, c'est un verset très clair que le cheikh il mentionne ici. Il dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala mentionne dans le verset 32, dans sourate Yunus, فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالِ Après la vérité, qu'est-ce qu'il y a d'autre que l'égarement? C'est-à-dire, il n'y a rien d'autre que l'égarement après la vérité. Donc, si quelqu'un s'écarte de la vérité, automatiquement, il tombe dans l'égarement. Hein? C'est obligatoire. Et l'égarement, eh bien, quand tu rentres dans l'égarement, tu vas vers ta perte. Que Allah nous en préserve. Donc, il n'y a pas de fin à l'égarement. Hein? L'égarement, il est sans fin. Donc, tu vas trouver que les gens ont des divergences entre eux lorsqu'ils sont dans l'égarement. Et ils divergent toujours les uns avec les autres. Et tu vas trouver, le cheikh dit, بَلْتَجِدُ الْوَاحِدْ مِنْهُمْ مُخْتَلِفَةٌ آرَاؤُهُ Il dit, non seulement les gens qui sont dans l'égarement sont en divergence les uns contre les autres, mais même un individu parmi eux, tu trouves que ses opinions à lui sont en contradiction en elles-mêmes. Dans le même individu, il y a des opinions contradictoires en lui-même. Hein? Il ne suit pas une voie qui est claire ou une guidance qui est claire. C'est-à-dire il se mélange, hein, il patauge dans l'égarement, il tourne en rond, il ne sait pas qu'est-ce qu'il fait réellement. Une fois il dit une chose et une autre fois il dit autre chose, hein, il ne suit pas une voie claire et une voie droite. ويتعادون ويضلل بعضهم بعضا أو يكفر بعضهم بعضا أما أهل الحق المتمسكون بالحق ف فإنهم لا يختلفون وإن اختلفوا عن اجتهاد فإنهم لا يتعادون ولا يتقاطعون وإذا تبين لهم الصواب رجعوا إليه وتركوا أقوالهم قال تعالى وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول وتجدون الخلاف بين الأئمة الأربعة وبين الفقهاء ولا أحد منهم يضلل الآخر أو كفر الآخر كما يعمل بحسب ما يظهر له من الدليل وإذا ظهر أنه مخالف رجع إلى الحق أما أهل الضلال فليس لهم مرجع يرجعون إليه وإنما مرجع كل واحد وإنما مرجع كل واحد منهم إلى هواه والأهواء تختلف. Donc le cheikh il dit que Allah subhanahu wa ta'ala il mentionne dans le verset 5 dans sourate Qaf, certes ils ont traité la vérité de mensonge lorsqu'elle leur est venue, alors ils sont dans la divergence, dans la contradiction, ils sont dans la confusion entre eux. C'est-à-dire que les gens de l'égarement, les kuffars, les mushrikins, les juifs, les chrétiens et tous ceux qui sont dans la bid'a et dans l'égarement ou dans le kuffre, ils ont tous des divergences entre eux et ils s'opposent tous les uns contre les autres et ils se déclarent tous les uns et les autres comme étant des égarés et ils se déclarent chacun les uns et les autres comme étant des kuffars et ainsi de suite. Tandis que les gens de la vérité, qui s'accrochent sur la vérité, alors ils ne divergent pas. Ils suivent la vérité. Et s'ils divergent sur quelque chose, parce que c'est une question d'ijtihad, une question sur laquelle il y a une possibilité de différence d'opinion, parce qu'il y a une différence entre les ulama sur la compréhension d'un texte, parce qu'il y a un texte qui peut impliquer plusieurs significations et eux ils ont divergé justement sur la compréhension de ces textes là et ils ont divergé dans leur ijtihad, ils ont divergé sur le verdict à propos d'un hadith, mais ils ont à la base ils ont le même manhaj et la même aqida, ils sont sur la même voie, mais ils ont divergé sur des questions d'ijtihad, alors dans ce cas là ils ne vont pas s'opposer les uns les autres ou se détester les uns les autres ou se couper, chacun va cesser d'adresser la parole à l'autre ou des choses de ce genre. Ça se produit pas entre les ulama qui sont sur la vérité et qui suivent la vérité et qui s'accrochent sur la vérité. Lorsque l'un d'entre eux s'est trompé et qu'on lui a clarifié la vérité, il revient à la vérité et il abandonne sa position. Ça, c'est l'attitude des ulama qui sont sur la vérité et qui aiment la vérité et qui s'accrochent à la vérité. Et il mentionne des versets comme le verset 10 dans Surah Shura et le verset 59 dans Surah An-Nisa. Le verset 10 dans Surah Shura, Allah subhanahu wa ta'ala dit « فَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ » Peu importe la chose au sujet de laquelle vous divergez à son sujet, sachez que son verdict revient à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui doit juger au sujet de cette divergence pour qu'on puisse trouver la vérité à son sujet. Et il mentionne également le verset 59 dans An-Nisa, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit « Et si vous divergez en quoi que ce soit, alors ramenez-le à Allah et à son messager. » Ramenez-le à Allah et à son messager. Donc, tu vois que le cheikh dit, tu vois que les divergences entre les quatre imams des madahib et entre les ulama de fiqh, les fuqaha, tu vois qu'ils divergent entre eux parfois et que malgré ça, il n'y en a pas un qui traite l'autre d'égaré ou qui déclare l'autre comme étant kafir ou des choses de ce genre. Chacun applique et agit selon ce qui lui est apparu de la preuve. Et donc, si on a fait, on a clarifié ou on a montré que la personne a contredit la vérité, alors dans ce cas-là, elle revient à la vérité. Elle revient à la vérité parce qu'elle est sincère. Son intention c'est al-haq. Et quand on lui a montré la vérité, ben elle revient. Et quand elle avait contredit la vérité, elle n'avait pas contredit la vérité par opposition à la vérité, mais elle a contredit la vérité par erreur, ou bien disons qu'elle n'a pas fait exprès la personne, elle n'a pas voulu contredire la vérité, mais c'est à cause d'un manque de connaissance ou à cause d'une limitation dans les moyens, ainsi de suite. Mais du moment qu'on lui a clarifié les preuves et qu'on lui a montré la vérité, elle abandonne sa position automatiquement et elle revient à la vérité à ce moment-là. Donc ça, c'est les gens de la vérité. Amma ahlud dalal, hein, en ce qui concerne les gens de l'égarement, alors ils ne reviennent jamais parce qu'ils n'ont pas de référence. Hein. Leur référence, c'est quoi? C'est uniquement leur passion. Et bien entendu, comme le cheikh il le dit, les passions sont toutes différentes les unes des autres. Et donc c'est pour cette raison-là qu'ils ne peuvent pas s'entendre et revenir à une position claire. Donc, alhamdoulilah, ça, cette voie-là, c'est qu'est-ce que le cheikh il nous explique ici. Ça, c'est très important de le comprendre et de l'appliquer. Hein? Et si on applique ça et on comprend ça correctement, on va éliminer beaucoup de divergences entre nous qui sont inutiles. Hein, qui sont inutiles. Donc, ensuite, le cheikh il dit الإيمان ببعض ما أنزل الله دون بعض. Ça c'est le point numéro 117. Le point numéro 117. الإيمان ببعض ما أنزل الله دون بعض. On a déjà mentionné des exemples à ce sujet-là dans des points précédents. Et là, le cheikh il va donc toucher encore une fois à ce thème-là et à cet aspect-là des questions de la jahiliya. Le cheikh il mentionne le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab justement à ce sujet. Il dit al-iman bi ba'd al-munazzal duna ba'd, c'est-à-dire le fait que certains croient en une partie de ce qui est révélé, hein, sans croire à l'autre ou sans croire au reste. Yani, subhanallah. C'est bizarre parce que ça coïncide, on dirait que les sujets, ça coïncide exactement avec les choses dont on a parlé hier dans le cours de yani Fadlul Islam. Yani, c'est presque les mêmes questions. Yani. Subhanallah. Donc, الشيخ الفوزان الذي الإيمان ببعض المنزل من عند الله عز وجل دون بعض سمة اليهود والنصارى. قال الله سبحانه وتعالى وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. Donc le cheikh il commence, il dit que la foi, le fait de croire en une partie de ce qui est révélé de la part d'Allah et de rejeter l'autre partie, ça c'est une des caractéristiques des juifs et des chrétiens. Et le cheikh il mentionne les versets 83 et 84 dans sourate Al-Baqarah, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala il dit et rappelle-toi lorsque nous avons pris l'engagement des enfants d'Israël de n'adorer que Allah, de faire le bien envers les pères et mères, les proches, hein, les proches parents, les orphelins et les nécessiteux, d'avoir de bonnes paroles avec les gens, d'accomplir régulièrement la salat et d'acquitter la zakat. Mais à l'exception d'un petit nombre de vous, vous manquiez à vos engagements en vous détournant de nos commandements. Et rappelez-vous, lorsque nous obtîmes de vous l'engagement, on a pris de vous l'engagement de ne pas verser le sang par le meurtre, hein, et de ne pas vous expulser les uns les autres de vos maisons, puis vous y avez souscrit avec votre propre témoignage. Quoiqu'ainsi engagé, voilà que vous entretuez et que vous expulsez de leur maison une partie d'entre vous contre qui vous prêtez main forte par péché et transgression. Mais quelle contradiction! Si vos co-religionnaires, les gens qui étaient dans la même religion qu'eux, vous viennent captifs, vous les rançonnez. Alors qu'il vous était interdit de les expulser de chez vous. Croyez-vous donc en une partie du livre et rejetez-vous le reste? Donc le cheikh il dit: Tu'minuna bi ba'd al-kitab wa huwa fida'u al-asir wa takfuruna bi ba'd bi ba'dihi wa huwa al-qatl wa al-ikhraj min al-diyar fa tastahillunahu. Donc il dit: est-ce que vous croyez en une partie du livre, c'est-à-dire vous croyez en le fait de libérer des prisonniers en acceptant une rançon pour les libérer, parce que ça c'est en accord avec le livre, mais vous rejetez l'autre partie parce que déjà en premier lieu c'était interdit pour vous de les combattre et de les expulser, donc ça c'est un exemple de contradiction, subhanallah. Déjà les juifs ont désobéi à Allah subhanahu wa ta'ala en combattant leurs co-religionnaires et en les expulsant de leur demeure. Donc là ils ont désobéi à Allah dans cet aspect, puis ensuite quand c'est le temps de les libérer ils demandent une rançon parce qu'ils disent ça c'est en accord avec le livre. Donc est-ce que vous croyez en une partie du livre et vous rejetez l'autre? C'est une contradiction. Vous rendez halal le fait de tuer et d'expulser les gens et puis après vous demandez une rançon pour les prisonniers et des choses de ce genre. Et ensuite le cheikh il mentionne la suite du verset: فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَى أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون هذا جزاء من يؤمن ببعض الكتاب ويكفر بالبعض الآخر لأن الواجب الإيمان بالكتاب كله ولا يأخذ الإنسان ما يوافق هواه ويترك ما يخالف هواه ورغبته هذه صفة اليهود ومن حذى حذوهم من كل من يأخذ من الكتاب ما يوافق هواه ويترك ما يخالف هواه. Donc le cheikh il dit ensuite la suite du verset, croyez-vous donc en une partie du livre et rejetez-vous le reste, ceux d'entre vous qui agissent de la sorte ne méritent que l'ignominie, c'est-à-dire l'humiliation dans cette vie d'ici-bas. Et au jour de la résurrection, ils seront refoulés au plus dur châtiment. Et Allah n'est pas inattentif à ce que vous faites. Voilà ceux qui échangent la vie présente contre la vie future. Eh bien, leur châtiment ne sera pas diminué. Et ils ne seront point secourus. Donc ça, c'est la suite du verset. Et ensuite, le cheikh Al-Fawzan, il explique. Il dit, ça c'est la rétribution pour toute personne qui croit en une partie du livre et qui rejette l'autre partie. Donc l'obligation pour le croyant, c'est de croire en tout le livre en entier, et un individu ne doit pas prendre uniquement ce qui est en accord avec ses passions et abandonner ce qui est en contradiction avec ses désirs et ses passions, parce que ça c'est une caractéristique des juifs et de tous ceux qui leur ressemblent, parmi ceux qui prennent uniquement de la révélation et du livre ce qui est en accord avec leurs désirs et qui abandonnent ce qui contredit leurs désirs. وفي الآية الأخرى أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون أي إذا جاءهم الرسول بما يوافق أهواءهم قبلوه وإذا جاءهم بما يخالف أهواءهم رفضوه ثم يكون موقفهم مع هذا الرسول الذي جاءهم بما لا يهوونه إما أن يكذبوه وإما أن يقتلوه والعياذ بالله. وفي هذا عظة للمسلمين أن لا يفعلوا مثل فعلهم فيصيبهم مثل ما أصابهم. Donc le cheikh il dit que dans un autre verset, dans Surat Al-Baqarah, le verset 87, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit justement, est-ce que à chaque fois qu'un messager vous apportait des vérités contraires à vos souhaits, vous vous enfliez d'orgueil, vous traitez les uns d'imposteurs, hein, vous les traitez de menteurs et vous tuez les autres? Donc ça c'est l'attitude qu'ils avaient envers leur prophète. Et donc le cheikh Al-Fawzan il explique ça, il dit, hein, lorsqu'un messager leur vient avec ce qui est en accord avec leur passion, ils l'acceptent, hein, ça ils l'aiment, ah oui lui il est bien, mais quand il vient avec qu'est-ce qui est en contradiction avec leur désir et leur passion, ils le rejettent, ils refusent de l'écouter ou de l'accepter, hein. ثم يكون موقفهم من هذا الرسول, et ensuite leur position envers ce messager là c'est quoi? C'est, hein, يعني, soit il le traite de menteur, ou bien soit il le tue. وَلَعِيَذُ بِاللَّهِ. Donc ça c'est grave. Et le cheikh il dit qu'il y a dans ça une exhortation pour les musulmans également. Donc, pour que les musulmans n'agissent pas de la même manière qu'eux, pour qu'ils ne soient pas justement punis de la même façon qu'eux. D'accord? Donc ça c'est très important de le comprendre, parce que les versets dans le Coran qui nous parle des gens du livre, qui nous parle des autres nations et des autres peuples qui ont mécru, hein, ou qui ont désobéi à Allah, ce sont des leçons pour nous, les musulmans, pour éviter de tomber dans la même chose, dans le même péché qu'eux. Et c'est sûr que dans la Ummah, depuis l'avenue du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à nos jours, c'est certain que parmi les musulmans, on a retrouvé certains d'entre eux qui ont commis les mêmes péchés ou les mêmes fautes que les peuples qui nous ont précédés. Et donc c'est pour nous remettre sur le droit chemin, justement, pour éviter que on soit châté de la même manière qu'eux, ou qu'on prenne une leçon en fait. Donc le cheikh ensuite il explique le point numéro 18, al-imanu bi ba'd ar-rusul duna ba'd. Ça aussi on en avait parlé un peu déjà dans les cours précédents, c'est-à-dire de croire en certains messagers et de rejeter les autres. At-tafriqu bayna ar-rusul, c'est-à-dire de faire une distinction entre les messagers. Et on va expliquer justement qu'est-ce que ça signifie de faire une distinction entre les messagers. Le Cheikh Al-Fawzan il dit at-tafriqu bayna ar-rusul bil-imani bi ba'd بالإيمان ببعضهم والكفر بالبعض الآخر من صفة أهل الكتاب خاصة. أما الوثنيون والمشركون فلا يؤمنون بالرسل أصلا بل يكفرون بالرسل جميعا. أما اليهود فإنهم كفروا بعيسى عليه السلام وكفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم, والنصارى كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم, ومن كفر بنبي واحد فهو كافر بالجميع, لأن الرسل طريقتهم واحدة ودينهم واحد وهم إخوة, فمن كفر بواحد منهم فقد كفر بالجميع. فالحجة التي مع الرسول الذي كفر به هي الحجة التي مع الرسول أو مع الرسل الذين آمن بهم, فلا يفرق بينهم. وهذا يقول, ولهذا يقول جل وعلا قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. Et il mentionne un autre verset ensuite. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. Donc le cheikh il explique, il dit que de faire des distinctions entre les messagers, hein, par rapport à la foi en eux, c'est-à-dire de croire en certains et de rejeter la foi en les autres, ça c'est une des caractéristiques qui est particulière aux gens du livre. En ce qui concerne les idolâtres, les mushrikoun, eux, de toute façon, ils ne croient même pas aux messagers en partant. Donc, ils rejettent la foi en tous les messagers, sans exception. Tandis que les juifs, eh bien, ils rejettent la foi en le prophète Isa, alayhi salam, Jésus. Ils ne croient pas en Jésus. Et également, ils rejettent la foi en Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Tandis que les chrétiens, eux, ils ont rejeté la foi en Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc, le cheikh, il dit que quiconque a rejeté la foi en un seul parmi les prophètes, alors c'est comme s'il a rejeté la foi en tous les prophètes et en tous les messagers. Parce que les messagers viennent avec une seule et unique voix et une seule et unique religion. Et ce sont des frères. Ils sont tous les frères les uns des autres. Donc, celui qui rejette un seul d'entre eux, c'est comme s'il a rejeté tous les prophètes. Et la preuve qui est ramenée par un messager, la preuve qui est ramenée par un des messagers qu'on a traité de mensonge ou qu'on a traité de menteur ou qu'on a un prophète en lequel on a refusé de croire, eh bien la preuve qu'il a ramenée, c'est la même que les autres messagers qui ont été envoyés par Allah subhanahu wa ta'ala et en lesquels ils ont cru. Donc si tu rejettes la preuve qui a été ramenée par ce messager-là, c'est comme si tu rejetais la preuve des autres messagers qui sont venus avec la même preuve. Et vous l'avez accepté, vous l'avez cru, hein, vous avez cru en ces messagers-là quand ils sont venus vers vous. Vous avez accepté leur preuve. Et quand un autre messager vient avec la même preuve, vous le rejetez, alors là, c'est la preuve qu'en réalité, vous ne croyez pas du tout en cette preuve. Hein? Donc on n'a pas de raison de faire de distinction entre les messagers. Et ensuite, le cheikh il cite justement un verset à ce sujet-là, qui est dans Surat al-Baqarah, encore une fois le verset 136 dans Surat al-Baqarah, où Allah subhanahu wa ta'ala il mentionne et où il s'adresse au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et il lui ordonne de dire aux gens du livre, dites, nous croyons en Allah et en ce qu'on nous a révélé et en ce qu'on a fait descendre vers Abraham et Ismaïl, hein, Ibrahim, Ismaïl, Ishaq et Yaqub et les tribus. Et en ce qu'on a donné à Moussa et à Isa et en ce qu'on a donné aux prophètes venant de leur Seigneur, nous ne faisons aucune distinction entre eux et à lui nous sommes soumis. C'est-à-dire nous sommes musulmans et nous sommes soumis à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça c'est une des preuves que le cheikh a mentionné. Puis il a mentionné également le verset 285 dans surat al-Baqarah. Amana ar-rasulu bima unzila ilayhi min rabbihi wal mu'minun. C'est-à-dire le messager a cru, de même que les croyants ont cru en ce que Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre sur lui. Ou en ce qui a été révélé sur lui de la part de son Seigneur. Donc le messager ainsi que les croyants ont cru en ce qui a été révélé sur le messager de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala, son Seigneur. Ils croient tous en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses messagers, et ils ne font aucune distinction entre ces messagers. Donc, le cheikh Al-Fawzan dit ensuite, « La nufarriq bayna ahadin » من رسله فالإيمان بالرسل هو أحد أركان الإيمان الستة التي جاءت في حديث جبريل لما سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره ولا يكفي الإيمان ببعضهم بل لا بد من الإيمان بهم جميعا وإلا فمن كفر بواحد منهم فهو كافر بالجميع ولهذا يقول جل وعلا كذبت قوم نوح المرسلين كذبت عاد المرسلين وكذبت ثمود المرسلين أو كذبت ثمود المرسلين مع أنهم ما كذبوا إلا نبيهم فلما كذبوا نبيهم كانوا مكذبين لجميع الرسل. Le cheikh explique, il dit, on ne doit pas faire aucune distinction entre les messagers. Et juste un point ici en passant à propos de cette question. Des fois, il y a des gens qui sont un peu confus lorsqu'on leur dit qu'on ne doit pas faire de distinction entre les messagers et qu'ils entendent par exemple le fait que on dit que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est le plus grand de tous les prophètes et le meilleur de tous les prophètes. Donc ils disent, mais comment ça se fait que Allah subhanahu wa ta'ala nous dit de ne pas faire de distinction entre les messagers, et puis ensuite on dit que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le meilleur des messagers. En fait, c'est comme le Cheikh Al-Fawzan, il est en train de l'expliquer, de ne pas faire de distinction entre les messagers, ça signifie dans le sens où on ne doit pas yani, faire de distinction entre eux dans la foi en eux. Dans la foi en eux. C'est-à-dire on doit croire en tous les messagers d'Allah. Mais en ce qui concerne le fait que certains d'entre les messagers sont plus grands que d'autres, ça, c'est pas interdit et c'est pas un problème, puisque Allah subhanahu wa ta'ala lui-même, dans le Coran, il a mentionné que certains prophètes sont meilleurs que d'autres et qu'il en a élevé certains au-dessus des autres. Comme par exemple, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans Surat al-Baqarah justement, « Tilka al-Rusul faddalna ba'dahum ala ba'din, minhum man kallam Allah wa rafa'a ba'dahum darajat. » Donc ça c'est des versets justement à ce sujet-là qui clarifient que il y a des messagers qui sont meilleurs que d'autres. Ça c'est le verset 253 dans Surat Al-Baqarah. 253 dans Surat Al-Baqarah. Allah dit, parmi ces messagers, nous avons favorisé certains par rapport à d'autres. Il y en a à qui Allah a parlé, et il en a élevé d'autres en grade, et à Isa, fils de Marie, nous avons apporté les preuves, et nous l'avons fortifié par l'Esprit Saint. Donc, ça c'est des exemples qui prouvent que il y a des messagers qui sont au-dessus les uns des autres. Toutefois, on ne doit pas faire de distinction entre eux, dans le sens que on en accepte certains et on rejette d'autres, de cette façon comme le font les gens du livre qui croient en Isa ou qui croient en Moussa mais qui rejettent les autres, ou qui rejettent le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ou qui rejettent Isa alayhi salam pour les juifs. Donc ça c'est incorrect et ça c'est kufr, c'est une mécréance d'agir comme ça. Donc le Cheikh Al-Fawzan il dit, on ne fait pas de distinction entre aucun d'entre eux. Donc, il dit que la foi en les messagers, c'est un des piliers parmi les piliers de la foi qui sont de six. Les piliers de la foi sont au nombre de six. Comme c'est mentionné dans le hadith de Jibril, lorsque le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a été questionné par Jibril au sujet de la foi, qu'est-ce que la foi? Eh bien, il a répondu, c'est de croire en Allah, de croire en ses anges, de croire en ses livres, de croire en ses messagers, de croire au jour dernier et de croire à la prédestination de ce qui est bien et de ce qui est mal. Donc ça c'est la preuve à ce sujet-là que la foi en les messagers c'est un des piliers de la foi. Et c'est pas suffisant de dire par exemple que je crois en certains des messagers, il faut que tu crois en tous les messagers en entier, sans exception. Et sinon, celui qui rejette un seul d'entre les messagers, alors c'est comme s'il avait rejeté tous les messagers en entier sans exception. Et c'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala dit par exemple dans Surat Ash-Shu'ara, le verset 105, كذبت قوم نوح المرسلين. Allah subhanahu wa ta'ala dit, le peuple de Noé a traité les messagers de mensonges. Le verset 123, il dit, Ad a traité les messagers de mensonges ou de menteurs. Et le verset 141, Allah SWT dit, et Thamud a traité les messagers, ont traité de menteurs les messagers. Donc ça c'est des preuves que, comme le Cheikh il l'explique, il dit que ces peuples n'ont traité de menteurs que leurs messagers à leur époque. Mais malgré tout, Allah subhanahu wa ta'ala a dit qu'ils ont traité les messagers de menteurs. Pourquoi? Parce qu'en réalité, lorsqu'ils ont traité un messager hein, de menteurs, ça équivaut à les traiter de menteurs tous, chacun d'entre eux, puisqu'ils viennent tous avec les preuves d'Allah et ils viennent tous avec le même message. Donc si quelqu'un en traite un de menteur, c'est comme s'il les traitait tous de menteurs. Et c'est pour ça que Allah dit à leur sujet qu'ils ont traité les messagers de menteurs. D'accord. Donc ça c'est à ce sujet. Ensuite, le point numéro 119, le cheikh il dit al-muhajja ou al-muhajja fi ma laysa lahum bihi ilm. Le fait que les gens de la jahiliya, ils veulent toujours débattre et argumenter à propos des choses au sujet desquelles ils n'ont aucune connaissance. Ils veulent toujours débattre et argumenter sur des choses qu'ils n'ont, dont, au sujet desquelles ils n'ont pas de science. Cheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab, il dit mukhasamatuhum fi ma laysa lahum bihi ilm. Donc c'est exactement ce que ça signifie. Ensuite il dit ay anna ahla al-jahiliya yujadiluna wa yukhasimuna fi ma laysa lahum bihi ilm. Wal wajib anna al-insan لا يجادل إلا بعلم أما ما لا يعلمه فإنه يسكت عنه قال تعالى بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله يعني حقيقته التي يؤول إليها وهذا يتضمن ناحيتين الناحية الأولى أن الإنسان لا يدخل فيما لا يعلم ولا ينكر ما لا يعلم بل يقول الله أعلم. Donc ça c'est, subhanallah, c'est des choses simples et tellement évidentes, mais pourtant on dirait que beaucoup d'entre nous parfois on passe à côté de ces règles-là et de ces points-là. C'est comme si on, en fait on oublie complètement ces choses-là. Et ça, ça fait partie des caractéristiques des gens de la jahiliya. Et malheureusement, elles sont présentes. Cette caractéristique-là, elle est présente parmi les musulmans aujourd'hui. Et on la retrouve très souvent, malheureusement. Et si on suivait donc les règles à ce sujet-là, eh bien, c'est sûr qu'on éviterait beaucoup de problèmes. Le Cheikh Al-Fawzan, il explique ça en disant que les gens de la jahiliya, ils aiment débattre, hein, ils aiment débattre sur les choses dont ils n'ont pas de connaissance. Donc, aujourd'hui, tu trouves plein de gens parmi les musulmans, malheureusement, ils veulent débattre sur des choses dont ils n'ont pas de connaissance. Malheureusement, ils débattent dans la religion et ils parlent de la religion alors qu'ils n'ont pas de connaissance et ils affirment des choses et ils nient des choses alors qu'ils n'ont pas de connaissance de ces choses-là. Donc ça c'est grave. Alors le cheikh il dit l'obligation pour un individu c'est de ne pas disputer excepté avec science. S'il veut argumenter, il argumente seulement s'il a de la science. S'il n'a pas de science, il se tait. Il ne doit pas débattre ou argumenter sans science. En ce qui concerne celui qui n'a pas de science, alors il doit se taire. Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans surat Yunus le verset 39 bal kadhabu bima lam yuhitu bi'ilmihi wa lamma ya'tihim ta'wiluhu yani haqiqatuhu allati ya'ulu ilayha. Donc ça c'est le verset dans surat Yunus le verset 39. Bien au contraire, ils ont traité de mensonges ce qu'ils ne peuvent embrasser de leur savoir et dont l'interprétation ne leur est pas encore parvenue. L'interprétation, c'est-à-dire plutôt la réalité, hein, la réalité et la conclusion à laquelle cette chose-là va mener. Donc, ils traitent ces choses-là de mensonges parce qu'ils n'ont pas de science à propos de ces choses-là, donc il les traite de mensonges. Et le chef explique, il dit, ça implique deux points de vue, ou deux aspects. Le premier aspect, c'est qu'un homme, un individu, ne doit pas rentrer dans ce qu'il ne connaît pas. Il ne doit pas rentrer dans une discussion au sujet de ce qu'il ne connaît pas. Et il dit, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il ne doit pas, hein, il ne doit pas nier ce qu'il ne connaît pas. Donc si tu ne connais pas quelque chose, et si tu ne sais pas quelque chose, eh bien, tu n'as pas à l'affirmer, et tu n'as pas à le nier. Tu ne dis pas, oui c'est vrai, et tu ne dis pas, non c'est pas vrai. Tu ne dis rien parce que tu ne sais pas. Hein? Mais malheureusement, des fois on a l'impression que les gens ils savent pas quelque chose, et ils nient. Ou bien ils savent pas quelque chose, et ils affirment. Alors qu'ils ne savent pas. Et à cause de ça, ils rentrent dans des disputes et dans des débats et dans des argumentations avec des gens. Et qu'est-ce que ça fait comme... à quoi ça ressemble comme discussion ou comme débat? Eh bien, je vais vous donner un exemple de à quoi ça ressemble. Ça ressemble à ceci. Oui, c'est vrai. Et l'autre, il répond, non, c'est pas vrai. Et l'autre, il répond, oui, c'est vrai. Et l'autre, il répond, non, c'est pas vrai. Et à la fin... on en ressort avec rien. Pourquoi? Parce que celui qui affirme, il n'a pas de preuve, et celui qui nie, il n'a pas de preuve. Alors qu'est-ce qu'ils font? Ils font juste lancer la balle comme ça. C'est comme une sorte de match de ping-pong, et il n'y a pas vraiment de gagnant dedans, parce que personne n'a de ilm. Et les gens, ils disputent comme ça pendant des heures, et des fois même, ils se mettent en colère les uns contre les autres, et même parfois, ils vont commencer à se détester, à avoir de la rancune dans le cœur, l'un contre l'autre, à cause de ça. Donc le cheikh, il dit, « Al-nahiyatul ula, anna l'insan la yadkhulu fi ma la ya'lam, wa la yunkiru ma la ya'lam, bal yaqulu Allahu a'lam. » ولهذا يقول الله لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم وقل ربي زدني علما فالإنسان لا يدعي أنه أحاط بالعلم بل يتقاصر ويعرف قدر نفسه ولو كان عنده علم ولو كان عنده علم كثير فما خفي عليه أكثر والله جل وعلا يقول وفوق كل ذي علم عليم حتى ينتهي العلم إلى الله سبحانه وتعالى. Le cheikh il dit donc, du premier point de vue, premier aspect, c'est qu'un homme, hein, un individu, il rentre pas dans ce qu'il ne connaît pas, et il ne nie pas ce qu'il ne connaît pas non plus, mais il dit Allahu a'lam, c'est-à-dire c'est Allah qui sait mieux. Et il dit, c'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala dit à son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et dit, ô Seigneur, augmente-moi en savoir, en connaissance. Ça, c'est dans le verset 114 dans Surah Taha. Donc un homme, un individu, il ne doit pas prétendre posséder toute la science et envelopper toute la science. Il doit réaliser que il est limité et il doit reconnaître ses propres limites. Hein? Même s'il a beaucoup de science, c'est certain que ce qu'il n'a pas connu ou ce qui lui échappe est plus grand que ce qu'il a connu. Hein? Et donc, il mentionne le verset 86 dans Surat Yusuf, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit wa fawqa kulli dhi 'ilmin 'alim. Et au-dessus de toute personne qui détient une science, il y a un savant au-dessus de lui. Hein? Et donc, yani jusqu'à ce qu'il arrive à Allah subhanahu wa ta'ala, hein? Jusqu'à ce qu'il arrive à la fin à Allah subhanahu wa ta'ala qui détient toute la science. C'est-à-dire qu'au-dessus de toute personne qui a de la science, il y a un savant jusqu'à ce qu'il s'arrête à Allah subhanahu wa ta'ala parce que c'est lui qui détient toute la science au-dessus de ses créatures. Et an-nahiyatu thaniya annahu la yunkiru ash-shay alladhi ya'lamuhu ghayruhu fa idha kana 'inda ghayrihi 'ilmun khafiya 'alayka fala tunkiru ma 'inda ghayrik fa ma ahadun min al-bashar u'tiya al-'ilm kullahu أُعْطِيَ الْعِلْمُ نعم أُعْطِيَ الْعِلْمُ كُلَّهُ ولهذا يقول العلماء هذه العبارة التي يكررها أو يكررونها دائما من حفظ حجة على من لا يحفظ والدهريون والمشركون ومعطلة الصفات وسائر أهل الضلال أنكروا ما أنكروه لجهلهم به وكونه لا تدركه عقولهم لأنهم لا يؤمنون بالغيب بنوا مذاهبهم على القياس الفاسد فضلوا عن سواء السبيل. الشيخ dit que d'un deuxième point de vue ou d'un deuxième aspect de ce sujet là c'est que on ne doit pas nier quelque chose que quelqu'un d'autre a connu, quelqu'un qui a connu quelque chose plus que nous, on ne doit pas le nier parce que nous on le connaît pas. Il y a des gens comme ça des fois. Quand ils entendent quelque chose de quelqu'un d'autre, mais eux, ils ne le connaissent pas, automatiquement, ils le nient. Ils disent, ah non, ça ne se peut pas. Comme si c'est seulement eux qui peuvent connaître quelque chose, et que quand quelqu'un d'autre leur dit des choses qu'ils n'ont jamais entendues, ou qu'ils ne connaissent pas, eh bien, ils le nient. Comme si ce n'était pas possible que quelqu'un connaisse quelque chose qu'ils ne connaissent pas. Donc, le cheikh dit que si quelqu'un a une science qui t'a échappé, alors ne le nie pas, ne nie pas ce que les autres ont comme science, juste parce que toi tu le connais pas. Parce qu'il n'y a personne parmi les hommes qui peuvent qui a reçu toute la science en entier. Il n'y a personne. Et le cheikh dit, وَلِهَذَا يَقُولُ الْعُلَمَا et c'est pour ça que les ulama disent une expression qu'il mentionne très très souvent, il la répète. Ils disent, مَنْ حَفِظَ حُجَّةَ عَلَى مَنْ لَمْ يَحْفَظُ Celui qui a mémorisé une preuve, il a le dessus sur celui qui ne l'a pas mémorisé. Il a la précédence sur celui qui ne l'a pas mémorisé. Et il mentionne, le cheikh, il dit, regardez les dahriyoun, les athées, les mushrikoun, ceux qui nient les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala et tous les autres gens de l'égarement, ils nient ce qu'ils nient de la vérité à cause de leur ignorance. Parce qu'ils disent, qu'ils acceptent seulement ce qui est en accord avec leur intelligence et leur logique et leur raison. Et tout ce qui est contraire à leur logique, à eux, ils le rejettent. Pourquoi? Parce qu'ils ne croient pas en l'invisible, ils ne croient pas en Al-Ghaib. Et donc, ils ont établi leur madhab et leur voie sur les fausses analogies. Et ils se sont égarés du droit chemin à cause de ça. Ensuite, le point suivant, c'est le point 120. Le point 120. Et le titre de ce point-là, c'est « Tanaquduhum fittiba'ihim lighayrihim ». Leur contradiction dans le fait qu'ils suivent autre qu'eux-mêmes. Et pour expliquer ça, le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, il dit « Da'wahum uttiba'u salaf ma'a tasrihi bi mukhalafatihim ». C'est-à-dire que ils prétendent suivre les salafs, ils prétendent suivre les salafs alors qu'ils ont clairement, exprimé clairement qu'ils les contredisent. Et le cheikh Al-Fawzan, il explique ça. Il dit, Ammatul Yahoud wa Nasara wa Ahlul Dalal min al-Muntasibina ila l'Islam, kulluhum yadda'una annahum yattabi'una man sabaqahum min al-Mu'minina qablahum. فاليهود يدعون أنهم من أتباع موسى عليه السلام ومن آمن به والنصارى يدعون أنهم يتبعون المسيح عليه السلام ومن آمن به وأهل الضلال من هذه الأمة يدعون أنهم يتبعون سلف هذه الأمة من الصحابة والتابعين وأتباعهم وأن ما هم عليه هو مذهب السلف وما كل من ادعى أنه على مذهب السلف أو على منهج السلف تكون دعواه صحيحة حتى يعرض ما عنده على منهج السلف الصالح فإن طابقه فهو على منهج السلف وإن خالف فإنه ليس على منهج السلف وإن ادعى هذا كل الطوائف الضالة الآن تدعي أنها على مذهب السلف ولكنهم ليسوا على منهج السلف لأنهم لا ينطبق عليهم قول الرسول صلى الله عليه وسلم في ضابط مذهب السلف من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي وهذا الذي يكون على منهج السلف أما من خالف هذا فإنه ليس على منهج السلف وإن ادعى ذلك والعبرة ليست بالدعوة وإنما العبرة بالحقيقة فالذين يدعون السلفية كثيرون ولكن لا بد من عرض ما هم عليه على منهج السلف الصالح فإن طابق فهذا حق وإن خالف فإنهم ليسوا على منهج السلف الصالح وكذلك الذين ينتسبون إلى المذاهب الأربعة وهم يخالفون الأئمة في الاعتقاد فانتسابهم غير صحيح لأنهم خالفوهم في أهم الأشياء وهو العقيدة. Le cheikh il explique, il dit que la majorité des juifs et des chrétiens et des gens de l'égarement qui prétendent appartenir à l'islam, ils prétendent tous suivre ceux qui les ont précédés parmi les croyants qui les ont précédés. Comme les juifs par exemple, ils prétendent qu'ils suivent Moussa alayhi salam et qu'ils suivent ceux qui ont cru en lui. Et les chrétiens prétendent qu'ils suivent Al-Masih, le Messie, Isa alayhi salam, et ceux qui ont cru en lui. Et les gens de l'égarement parmi les gens de cette Ummah, parmi les gens qui se disent musulmans, ils prétendent tous suivre les salafs de notre Ummah, parmi les Sahaba et les Tabi'in, et ceux qui les ont suivis. وأنما هم عليه هو مذهب السلف et ils prétendent tous que ce qu'ils suivent c'est la voie des salafs c'est la voie des pieux prédécesseurs et le cheikh il dit que c'est pas n'importe qui prétend d'être sur la voie des salafs ou sur le manhaj des salafs que ça veut dire que sa prétention elle est correcte ou qu'elle est vraie il faut pour vérifier ça il faut mettre leur position ou leur parole à côté de en relation avec c'est-à-dire en comparaison avec la voie des salafs et avec le manhaj des salafs et si on remarque que ce qu'ils font ou ce qu'ils disent est en accord avec le manhaj des salafs alors dans ce cas-là on va dire oui ça c'est en accord avec la voie des salafs et c'est correct et si c'est en contradiction avec ce que disent les salafs ou ce que font les salafs alors on va dire à ce sujet-là ou au sujet de ces individus-là qu'ils ont contredit le manhaj des salafs et qu'ils ne sont pas sur le manhaj des salafs même s'ils prétendent l'être donc le cheikh Al-Fawzan il dit que tous les groupes d'égarement aujourd'hui prétendent être sur la voie des salafs mais ils ne sont pas sur la voie des salafs parce que leur position et leur pratique ou leur parole n'est pas en accord avec la parole du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui est en fait la règle et le critère pour déterminer qu'est-ce qui est en accord avec le madhhab des salaf ou non c'est-à-dire la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith des 73 sectes lorsqu'il dit à la fin à propos du groupe sauvé ou de la secte qui sera au paradis que ce sont ceux qui suivent ce qu'il a suivi lui-même ainsi que ses compagnons donc ça c'est la règle pour déterminer si quelqu'un est sur la voie des salafs ou non donc le cheikh Al-Fawzan il dit donc celui qui est en accord avec ça qui est en accord avec l'exemple du messager sallallahu alayhi wa sallam et de ses compagnons alors lui il est sur la voie des salafs mais celui qui a contredit ça alors lui il n'est pas sur la voie des salafs même s'il prétend être sur la voie des salafs et donc l'important ce n'est pas qu'est-ce que quelqu'un prétend mais l'important c'est la réalité de ce que cette personne-là dit ou pratique et donc ceux qui aujourd'hui se disent sur la salafia et prétendent être sur la salafia sont très nombreux à notre époque mais il faut mettre tout ça mettre tout ça par rapport à en comparaison avec l'exemple des salaf salih et avec leur manhaj pour voir est-ce que c'est vraiment en accord avec la voie des salaf et si on remarque que c'est en accord avec la voie des salaf alors on va dire que ça c'est la vérité Mais si on voit qu'il y a une contradiction entre les deux, alors on va décréter que ces gens-là ne sont pas sur la voie des salaf al-salih, ne sont pas sur le manhaj des salaf al-salih. Hein? Donc ça c'est un point très important. Et bien entendu, hein, comme le cheikh il explique dans d'autres circonstances, il a expliqué que, bien entendu, pour faire ça, il faut avoir du ilm, il faut avoir de la science et il faut connaître la voie des salaf. Si quelqu'un ne connaît pas la voie des salaf, hein, eh bien il ne peut pas non plus distinguer entre qu'est-ce qui est en accord avec la voie des salaf ou non. Donc c'est pas une question de prétendre, mais c'est une question de voir les preuves et de voir est-ce que c'est réellement qu'est-ce que les salaf hein, suivaient ou non. Ensuite, il donne un autre exemple, il dit c'est comme par exemple ceux qui prétendent aussi suivre les quatre madhahib, alors qu'ils contredisent les quatre imams dans leur aqidah. Hein, donc c'est une prétention qu'ils donnent, une affiliation qu'ils ont qui est incorrecte. Hein. Ils disent, nous on est par exemple des Ahnaf, où on suit l'imam Abu Hanifa, on est des Hanafi, ou bien on est des Maliki, ou bien on est des Shafi'i, ou bien on est des Hanbali. Ça tu le retrouves parmi beaucoup de groupes et parmi des individus. Et par contre, quand tu regardes leurs croyances, tu vois qu'ils sont sur la croyance de Al-Ash'ariya, ou bien sur la croyance de, par exemple, Al-Maturidiyya, ou bien d'autres croyances parmi les sectes des groupes de Soufiya et des choses de ce genre. Et ensuite, ils prétendent être sur le madhab de l'imam Abu Hanifa, ou de Malik, ou de Shafi'i, ou de l'imam Ahmad, rahimahumullah. Et bien entendu, ça c'est une fausse attribution, une fausse affiliation, et en réalité, c'est comme le cheikh il le dit, c'est incorrect de leur part de se prétendre suivre ces imams, puisque ils ont contredit les imams dans ce qui est le plus important, c'est-à-dire dans la aqidah. Puisque tous les imams des madhahib, les quatre imams des madhahib, ainsi que les autres imams de l'islam, ils étaient tous des salafis sur la aqidah, hein, du tawhid, de la sunnah, et aucun d'entre eux n'est rentré dans ilm al-kalam ou les autres bid'a des philosophes ou des choses de ce genre. Hein, contrairement aux Ash'ariya et aux Maturidiya et aux autres groupes d'égarement comme les Jahmiya et les Mu'tazila, ainsi de suite. Ainsi que les groupes de bid'a parmi les Soufiya, ainsi de suite. Donc, ensuite, on passe au point numéro 121. Le point numéro 121, dans lequel le titre duquel est As-saddu an sabilillah, le fait d'obstruer le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le Cheikh Al-Fawzan, le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, il dit sadduhum an sabilillah, sadduhum an sabilillah man amana bihi, c'est-à-dire qu'il obstrue le chemin d'Allah à celui qui croit en Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc le Cheikh Al-Fawzan il explique As-saddu an sabilillah huwa sarfu an-nas 'an ad-dukhul fi dinillah wa hadha 'amalu al-kuffar qadiman wa hadithan min yahud wa nasara wa mushrikin fa min manahij al-jahiliyyah fi kulli makan wa zaman as-saddu an sabilillah wal-firq ad-dallah al-an 'ala hadha an-nahj تحاول تضليل المسلمين وجلبهم إلى نحلهم الباطلة وكذلك اليهود والنصارى لا يزالون يحاولون في المسلمين صدهم عن الإسلام ويقولون تعالوا نتحاور فيما بيننا ويقولون بحرية الأديان وهذا من الصد عن سبيل الله هل نحن على شك في صحة ديننا وبطلان دينكم حتى نتحاور معكم لسنا على شك من ديننا وبطلان ما أنتم عليه فهؤلاء يريدون من هذه الدعايات الحوار بين الأديان والتعاون بين الأديان يريدون به الصد عن سبيل الله هذا مرادهم وهذا مقصدهم ولا يزال الكفار إلى الآن يحاولون إضلال المسلمين ويقتلونهم ويشردونهم وَيُعَذِّبُونَهُمْ مِنْ أَجْلِ دِينِهِمْ وَصَدِّهِمْ عَنْهُ. Donc le cheikh explique, il dit que d'obstruer le chemin d'Allah, c'est de détourner les gens et de ne pas les laisser rentrer dans la religion d'Allah. Hein? Et ça c'est le travail des kuffars anciennement comme à l'époque actuelle. Hein? Il dit parmi les juifs et les chrétiens et les mouchriquins, ça c'est leur travail, d'essayer de détourner les gens du chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, parmi les méthodes ou les voies des gens de la jahiliya à toute époque, hein, à toute époque et dans tout lieu, c'est d'essayer d'obstruer le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il dit que les sectes d'égarement aujourd'hui, ils sont sur cette voie-là également, eux aussi. Ils essaient d'obstruer le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, on peut en témoigner facilement aujourd'hui. Hein, on voit que les groupes de bid'a et les groupes d'égarement, ils disent aux kuffars, l'islam interdit le prosélytisme. Ou l'islam n'accepte pas le prosélytisme. Subhanallah. Alors que Allah, il dit dans le Coran d'inviter au chemin d'Allah. Ud'u ila sabili rabbika. Hein? Invite au chemin de ton Seigneur. Hein? Waltakum minkum ummatun yad'una ila al-khayr. Donc il y a un groupe d'entre vous qui appelle, hein, au bien. Donc c'est pour dire que ces gens-là sont, hein, en train de nier le Coran et la Sunna. Allah dit dans le Coran, وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَى إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا قُلْ هَذِهِ سَبِيلِ أَدْعُ إِلَى اللَّهِ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ. Tout ça sont des versets qui nous incitent à appeler les gens à Allah et à faire la da'wah. Donc, hein, il y a juste un exemple, ici à Montréal, il y a un imam justement qui suit la voie de ces gens d'égarement là, qui dit dans une khutbah à l'université devant des élèves musulmans, il dit on n'a plus besoin d'inviter des gens à l'islam maintenant, il y en a suffisamment dans le monde, donc maintenant on n'a plus besoin d'appeler les kuffars à l'islam, on a assez de musulmans. A'udhu billah. Hein? Après il dit l'islam interdit le prosélytisme. Ça c'est quelle logique ça? A'udhu billah. Et il y en a un autre aussi comme ça qui parle, qui dit et arrêtez de faire des grands discours, yani de dire aux gens il faut que les gens acceptent l'islam. Il dit on s'en fiche qu'ils acceptent l'islam. Je dis subhanallah, comment quelqu'un peut parler de cette manière là alors que Allah subhanahu wa ta'ala dans plusieurs versets dans le Coran, hein, il console le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam de sa tristesse du fait que les mouchriquins acceptent pas la vérité qui vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala, il console son messager et il lui dit de ne pas avoir de la tristesse du fait qu'il refuse la vérité ou il rejette la vérité. Ça c'est la preuve que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait de la tristesse de voir que des gens sont dans le kufr, de voir que des gens sont dans le shirk, de voir que des gens sont dans l'égarement et qu'ils vont dans l'enfer. Il était attristé de ça et il souhaitait voir les gens accepter le haqq et rentrer dans la religion d'Allah. Donc aujourd'hui on trouve des individus qui disent appeler à l'islam mais qui en même temps obstruent le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour ça que vous voyez que ces gens-là, de ces groupes et de ces organisations soi-disant islamiques, ils font des, comme le cheikh il va le dire tout à l'heure, ou comme j'ai lu en arabe, ils font ils organisent des conventions et des colloques pour soi-disant faire des dialogues avec les juifs et les chrétiens, mais jamais ils ne les appellent à l'islam. Jamais ils ne les appellent à l'islam. Donc ça, c'est des gens qui obstruent le châtiment d'Allah, qui obstruent, pardon, le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala et la religion d'Allah. Donc le cheikh, il dit, hein, on revient aux paroles du cheikh ici, il dit donc que ça, c'est les gens de l'égarement et les sectes d'égarement, ils suivent cette voie-là aujourd'hui. Ils essaient d'égarer les musulmans et de les faire rentrer dans leur secte d'égarement. De même que les juifs et les chrétiens, ils continuent tout le temps, hein, à essayer d'obstruer yani les musulmans de leur religion. Subhanallah. Hein, ils sont en train d'essayer d'empêcher les musulmans d'appliquer leur religion. Les juifs et les chrétiens. Hein, c'est pas qu'ils sont en train d'empêcher les chrétiens d'entrer dans l'islam. Ils sont en train d'empêcher les musulmans de pratiquer leur religion à eux, subhanallah, de pratiquer l'islam. ils sont en train d'interdire ou d'empêcher et d'obstruer le chemin de l'islam à qui? Aux musulmans. C'est ça qui est grave, hein, de la part de ces koufars, yani. Ils disent non, nous on veut dialoguer avec vous, entre vous, et nous on veut qu'il y ait un dialogue. Le cheikh, il dit que les juifs et les chrétiens, c'est ça ce qu'ils disent aujourd'hui. Ils disent, on veut qu'il y ait entre vous et nous un dialogue. Et ils appellent à la liberté des religions. Et le cheikh, il dit, tout ça c'est uniquement pour obstruer le sentier d'Allah. Hein? Est-ce que nous on a un doute au sujet de la véracité de notre religion? Est-ce qu'on a un doute au sujet de la fausseté de votre religion pour qu'on commence à faire des dialogues avec vous? Hein? Le cheikh, il dit, on n'a pas de doute au sujet de notre religion. Et on n'a pas de doute que votre religion, elle est fausse et que ce que vous suivez est faux. Alors pourquoi on va dialoguer? Hein? Sur quoi on va dialoguer dans ce cas-là? Donc le cheikh dit, ces gens-là, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent faire des propagandes avec ces slogans-là qu'ils appellent, ils appellent les gens à dialoguer et à faire des dialogues entre les religions et à faire des rapprochements et des rapprochements et des collaborations entre les religions. Qu'est-ce qu'ils veulent? Pourquoi ils veulent faire ça? C'est pour obstruer le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est ce qu'ils veulent. C'est ça leur objectif. Et il dit le cheikh que les koufars, jusqu'à aujourd'hui, ils continuent tout le temps à essayer d'égarer les musulmans et à les tuer et à les expulser et à les torturer, à leur faire du mal. Pourquoi? Pour les éloigner et pour les obstruer de l'application de leur religion, pour les empêcher de pratiquer leur religion. Le cheikh, il dit, وهم الذين يقولون نتحاور فيما بيننا ويقولون بحرية الأديان والمعتقدات ولكنهم يقصدون أديانهم ومعتقداتهم قال تعالى ودوا لو تكفرون ودوا لو تكفرون ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء لكنهم يريدون لبس الحق بالباطل ومساواة الدين الباطل بالدين الحق ثم لا يثبتون على هذا بل يريدون إزالة الإسلام فهم يقتلون المسلمين ويشردونهم من أجل أن يصرفوهم عن دينهم ويريدون أن لا يبقى على وجه الأرض مسلم هذه أمنيتهم وهذا قصدهم. Donc le cheikh, il dit, ces gens-là, ils disent, on va faire des dialogues entre vous et nous, hein. Et comme je disais, yani, subhanallah, ils sont en train d'organiser des séminaires, des colloques, des conventions. Même ici à Montréal, ils ont un colloque, hein, qui s'appelle le trait d'union islam-christianisme, trait d'union, subhanallah. Et ils font des colloques avec, pour ça. Et ils appellent à la liberté des religions et liberté des croyances. Mais qu'est-ce qu'ils veulent dire? Le cheikh dit, qu'est-ce qu'ils veulent dire par là? C'est la liberté de leur croyance à eux et la liberté de leur religion à eux. Hein? Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il dit ça dans le Coran, il nous a expliqué leur ruse dans le Coran. Hein? C'est pas des choses qu'on a sorties dans les livres, des complots, des trucs comme ça. Ça, c'est quelque chose que Allah, dans le Coran, il nous a révélé. Il dit, dans le verset 2, dans Surat Al-Mumtahana, il souhaiterait que vous soyez mécréants. Waddu law takfurun. Et le verset 217, dans Surat Al-Baqara, et ils ne cesseront de vous combattre jusqu'à ce qu'ils vous détournent de votre religion s'ils le peuvent. Donc ça, c'est leur intention. Et dans le verset 89, dans Surat Al-Nisa, وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءَ. Ils souhaiteraient que vous soyez des koufars comme eux-mêmes ont mécru pour que vous soyez des égaux, hein? Donc que vous seriez égaux. Donc ça, c'est leur but, c'est ça leur intention réelle, hein? Et donc aujourd'hui on le voit, hein, quand ils disent dans les pays de Kouf, ils disent, nous on a comme valeur, hein, dans la charte on a écrit qu'il y a la liberté d'opinion, la liberté de croyance, la liberté de religion. Mais qu'est-ce qu'on constate dans la réalité? C'est que la liberté de religion, c'est seulement pour pratiquer tout ce qui est contraire à l'islam. Mais quand c'est le temps de croire ou de pratiquer l'islam, tout d'un coup, il n'y a plus de liberté de religion. On veut mettre des interdictions pour que les musulmans ne soient pas capables de pratiquer leur islam. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a la liberté, mais dans un sens unique. Seulement la liberté de pratiquer le kufr et le shirk. Mais quand c'est pour appliquer le tawhid et de suivre la religion du tawhid, alors là tout d'un coup, on veut interdire. Donc ça, ça veut dire que leur intention réelle c'est quoi? C'est d'appeler les musulmans au kufr et de les faire tomber dans le kufr et de les faire rester dans le kufr. C'est ça leur intention réelle. Hein? Donc le cheikh il dit وَلَكِنَّهُمْ يُرِيدُونَ لَبْسَ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ. Hein? Ils veulent couvrir la vérité par le faux, ou couvrir le faux de vérité, mélanger les deux ensemble. C'est ça ce qu'ils veulent. Et ils veulent essayer de mettre à égalité la religion de mensonge et la religion de vérité. Tu les vois quand ils font des comparaisons, ils comparent les religions comme si elles étaient toutes équivalentes. Et comme si la religion de l'islam était comparable à la religion des gens qui font le shirk et qui font le kufr et qui contredisent la voix d'Allah et la révélation d'Allah et des messagers. Hein? Donc le cheikh il dit ثُمَّ لَا يَثْبُتُونَ عَلَى هَذَا. On voit que ceux qui rentrent parmi les, hein, juste un point en passant, ceux qui rentrent parmi les musulmans ou parmi ceux qui se disent musulmans, qui rentrent dans leur dialogue et dans leur truc de, comment on appelle, le truc de hiwar, hein, des dialogues avec les koufars, des rapprochements, ce sont souvent des musulmans qui ont des doutes en l'islam. Ce sont des gens qui se disent musulmans, mais qui ont des doutes dans leur aqidah, ou qui ont des doutes dans leur islam, et donc à cause de ça, ils ont rejeté une partie de l'islam, et ils ont affirmé ou accepté une partie de la religion des koufars. Et ils s'imaginent que on peut faire des genres de compromis ou des rapprochements avec ces gens-là. Le cheikh il dit وَلَكِنَّهُمْ يُرِيدُونَ لَبْسَ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ. Donc ils veulent mélanger la vérité et le faux, et ils veulent mettre à égalité la religion fausse avec la religion de la vérité. Puis ils ne se limitent pas à ça, ils veulent arriver à la fin à éliminer complètement l'islam. Hein? Ils veulent éliminer complètement l'islam. C'est ça leur objectif à la fin, mais ils ne le disent pas au début parce que, bien entendu, c'est pas correct. C'est pas, comme on dit, politiquement correct. Mais c'est ça leur objectif. Hein? Ils veulent interdire l'islam. Et ils veulent non seulement interdire l'islam, mais complètement enrayer l'islam. Et ils veulent tuer les musulmans et les expulser et les détourner de leur religion. Et s'ils commencent à tuer les musulmans maintenant, beaucoup de musulmans vont dire « Ah, mais pourquoi? Comment ça se fait ?» Parce qu'ils n'ont pas cru, hein, en qu'est-ce que Allah avait dit. Ils n'ont pas cru aux avertissements d'Allah. Ils ont pensé que c'était juste des versets qui étaient révélés anciens, hein, des histoires comme ça qui étaient révélées pour l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais ils ont oublié que c'était la parole d'Allah et qu'elle s'applique à toute époque et qu'elle explique la nature de ces gens-là qui ont rejeté la foi en Allah, hein, peu importe l'époque ou le lieu. Alors ça s'applique à chaque époque et à chaque lieu. Le cheikh il dit, ils veulent tuer les musulmans, ils veulent les expulser, hein, et ils veulent, hein, les éloigner, les détourner de leur religion. Et ils veulent qu'il ne reste plus un seul musulman sur la terre. Ça, c'est leur objectif et c'est ça leurs intentions. Le cheikh, il dit comme point numéro 122, Al-mas'alatu al-thaniyatu wal-ishroun ba'd al-mi'a mu'alatu al-kuffar. Le fait de prendre pour alliés les kuffars. Mu'addatuhum al-kufra wal-kafirin. Le fait que les gens de la jahiliya, ils aiment le kufr et ils aiment les kafirines. Ils aiment le kufr et les mécréants. La mécréance et les mécréants. Le cheikh Al-Fawzan, il explique, il dit « Min masa'il al-jahiliya annahum yawaddun al-kufr, yawaddun al-kufr wal-kafirin. Kama zakara Allah subhanahu wa ta'ala thalika an bani Israel annahum ittakhazu al-kuffar awliya'. قال تعالى ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا. Le cheikh il dit parmi les les points de la jahiliya, les questions de la jahiliya, il y a le fait qu'ils aiment le kufr et les kafirines. Hein, comme Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné ça à propos de Bani Israël, qu'ils ont pris les kuffars comme alliés. Comme Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans le verset 80 dans Surat Al-Ma'idah, tu vois beaucoup d'entre eux qui prennent ceux qui ont mécru pour alliés. Et Allah a, le Cheikh dit, وَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ مُوَالَاةَ الْكُفَّارِ قَالَ تَعَالَى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَ أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ نَهَى اللَّهُ الْمُسْلِمِينَ أَنْ يَفْعَلُوا مِثْلَ مَا فَعَلَ الْيَهُودُ من موالاة الكفار ومحبة الكفار لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه الأمر واضح في هذا وأنه تجب معاداة الكفار والبراءة منهم ومن دينهم والولاء والبراء من أعظم الواجبات في الإسلام الشيخ الذي Parmi les questions de la jahiliya, il y a que ils aiment le kufr et ils aiment les kafirines, ils aiment les mécréants et la mécréance. Et Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné à propos de Bani Israël justement hein, ces choses-là, qu'ils prennent les kuffars pour alliés. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 80 dans Surat Al-Ma'idah, et tu vois beaucoup d'entre eux qui prennent pour alliés ceux qui ont mécru. Et Allah a interdit d'aimer et de prendre pour alliés les kuffars, les mécréants. Il mentionne le verset 51 dans Surat Al-Ma'idah, dans lequel Allah a dit, « Oh vous qui avez cru, ne prenez pas les juifs et les chrétiens hein, pour alliés. Ils sont alliés les uns des autres, et quiconque les prend pour alliés d'entre vous, alors il est un des leurs. » Donc Allah subhanahu wa ta'ala a interdit aux musulmans de faire la même chose que les juifs hein, à l'époque qui aimaient les kuffars et qui prenaient pour alliés les kuffars. Hein. Donc, le shaykh il enseigne un autre verset aussi, le verset 28 dans surat Ali Imran, ne prenez, que les croyants ne prennent pas les mécréants pour alliés en dehors des croyants et quiconque fait cela, alors il n'a rien. فليس من الله في شيء إن appartient ou il n'est pas d'Allah subhanahu wa ta'ala en quoi que ce soit excepté s'il le fait hein, par contrainte ou parce qu'il a peur hein, quelque chose comme ça donc là c'est dans un cas de contrainte il est excusé mais sinon hein, il n'a pas d'excuse et donc ça c'est une chose qui est claire on a expliqué ça dans plusieurs cours et donc le cheikh dit que c'est obligatoire Hein, de détester les koufars et de se désavouer d'eux et de leur religion hein. Et al-wala wal-bara le fait d'aimer pour Allah et de détester pour Allah et de s'allier et de s'éloigner et de se rapprocher pour Allah tout ça, c'est parmi les plus grandes les plus grandes obligations dans l'islam et les derniers points justement qui sont mentionnés dans Masail al-Jahiliya c'est اعتمادهم على الخرافات le fait qu'ils dépendent sur les superstitions et le cheikh ici il a réuni plusieurs points ensemble hein, le point 123 124 125 126 127 128 129 donc il les a réunis tous ensemble aïna c'est ça, 128 pardon donc de 123 à 128 et ce sont les points suivants al-ifaya al-iyafa wal-tarq wal-tiyara wal-tiyara wal-kahana wal-tahakum il-tahout wa-karahatu al-tazwij bain al-idain donc ça c'est des exemples de superstition que les gens de la jahiliya avaient et on va les expliquer un par un al-iyafa cheikh il dit al-iyafa zajr al-tayr wa kadhalik al-tiyara li'annahum fi al-jahiliya kanu yatasha'amuna bit-tuyur fa idha ra'awha tatir ala shaklin yakrahuna taraja'u amma 'azamu 'alayhi min asfarihim wa ghayriha والله جل وعلا أمرنا بالتوكل عليه وحده والمضي فيما فيه مصلحة للإنسان وإذا أشكل عليه شيء من أموره أو تردد في شيء فإنه يصلي صلاة الاستخارة ويدعو بعدها أن يهديه الله للصواب وكذلك يستشير أهل الخبرة والمعرفة. Donc le cheikh il explique que al-iyafa c'est et al-tiyara c'est les mauvais les gens qui se basent dans leur vie sur les mauvais présages, les mauvaises augures, hein, et qui croient à ce genre de choses là, les choses qui portent malheur, ils se basent là-dessus pour prendre des décisions dans leur vie. Ça fait partie des superstitions des gens de la jahiliya, hein. Lorsque, par exemple, dans la jahiliya, les gens voyaient des oiseaux qui volaient d'une certaine façon, hein, et que eux, ils n'aimaient pas cette façon-là, alors ils prenaient une position pessimiste à propos de ces oiseaux-là, et ils, par exemple, s'ils avaient décidé de voyager, eh ben, ils remettaient leur voyage à plus tard parce qu'ils considéraient que c'était un mauvais présage. Et que peut-être qu'un malheur allait leur arriver à cause des oiseaux qui volaient de telle ou telle manière. Et c'est comme les gens qui ont toutes sortes de superstitions à notre époque, hein, qui disent il faut pas faire telle chose, hein, si tu casses un miroir ça fait du malheur, si tu vois un chat noir, si tu vois un corbeau, si c'est vendredi 13, hein, tout ça, eux ils croient en ces choses-là et ils se basent là-dessus. Hein, dans leur vie pour prendre des décisions ou des choses comme ça. Si quelqu'un, par exemple, il échappe une cuillère, ils disent ah ça veut dire ça. S'il échappe une fourchette, ça veut dire ça. S'il échappe un couteau, ça veut dire ça. Il faut pas, par exemple, il y a même des frères et des soeurs qui m'ont mentionné des superstitions comme ça dans les pays musulmans. Il faut pas se peigner les cheveux à tel moment de la journée. Il faut pas marcher nu-pied dans la toilette. Il faut pas. Il y a toutes sortes de khurafat comme ça que les gens ont dans les pays arabes aussi, et ils savent pas que ce sont des choses contraires à l'islam. Des fois c'est des choses que les gens ont répétées de père en fils, de mère en fille, et ils réalisent pas que ça fait partie de at-tiyara, hein. Donc le cheikh il dit qu'Allah il nous ordonne de mettre notre confiance en lui seul, et de continuer dans les projets qu'on a dans lequel il y a un bienfait pour un individu. Et si on a un problème en quelque chose en particulier, hein, ou une hésitation, alors dans ce cas-là, on va faire la prière de al-istikhara, la prière du conseil, pour demander conseil à Allah subhanahu wa ta'ala, et on fait le dua après les deux raka'at qu'on a fait, on fait le dua pour demander à Allah subhanahu wa ta'ala de nous guider vers le bon choix. Et on prend le conseil des gens qui ont de l'expérience et de la connaissance dans la chose en question. Ensuite, l'autre point c'est at-tarq. Le cheikh il dit al-khat wa huwa al-khat yakhuttu bil-ard wa hadha innama yakunu 'inda al-mush'awizin alladhina yakhuttuna fi ar-raml wa yaquluna sayahsul kadha wa sayahduthu kadha. وهذا من فعل الجاهلية لأنه من ادعى علم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله وهو خرص وتخمين ولكن قد يقع ما قالوا من باب الفتنة والاستدراج للناس فالواجب تجنب هؤلاء والابتعاد عنهم والتحاكم إلى الطاغوت هو التحاكم إلى غير كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من القوانين الوضعية وحكم عوائد البادية وسواليفها أو علم الكلام والقواعد المنطقية وكانوا في الجاهلية يتحاكمون إلى الطاغوت وهو مشتق من الطغيان وهو مجاوزة الحد والمراد به هنا من حكم بغير ما أنزل الله. Donc le cheikh il dit at-tarq c'est les lignes que les gens tracent par terre, c'est-à-dire que les sorciers ou les charlatans ou les magiciens ou les astrologues, ou les, comment ils appellent aussi, les médiums, les voyants, ces gens-là, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils faisaient des lignes dans le sable et ils prétendaient que telle ou telle chose allait arriver dans l'avenir, hein? Et ça, ça fait partie des pratiques des gens de la Jahiliya, parce qu'ils prétendaient avoir la connaissance de l'invisible et de connaître ce que seul Allah connaît. Et ça, bien entendu, c'était une sorte de devinette qu'ils faisaient, hein, pour essayer de deviner l'avenir. Mais le cheikh, il dit, parfois, ça pouvait se produire que ce qu'ils avaient dit se produisait. Et ça, bien entendu, c'est une sorte d'épreuve pour eux, une fitna, hein, que Allah leur donne lorsque ces choses-là se produisent, hein, parce que, étant donné qu'ils se sont détournés de la vérité, Allah subhanahu wa ta'ala les punit justement en faisant en sorte que parfois ces choses-là se produisent pour les punir et pour les éprouver et pour les augmenter encore plus en égarement à cause du fait qu'ils se détournent de la vérité. Donc le cheikh, il dit que c'est obligatoire pour nous de nous détourner de nous éloigner de ce genre de choses, de ce genre de personnes. Ensuite, le point qui est mentionné ensuite, c'est le fait de juger selon le tarout. Et le cheikh, il dit que de juger selon le tarout, c'est de juger selon autre que le livre d'Allah et la sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam, comme les gens par exemple qui jugent selon les lois faites par l'homme, ou bien selon les traditions et les coutumes des bédouins ou des autres que les bédouins aussi, qui vivent dans les endroits comme dans la brousse ou dans les villages éloignés, ou bien les traditions des différentes villes ou des pays. Les gens, ils se basent là-dessus et ils laissent le Coran et la Sunna. Donc ça fait partie de juger selon le tarout. Également, les gens qui jugent dans les questions de aqida, selon par exemple le ilm al-kalam, la philosophie et la logique grecque, ou des règles soi-disant logiques qu'ils ont inventées eux-mêmes. Le cheikh, il dit que les gens dans la Jahiliya, ils jugeaient selon le tarout. Et le mot tarout, il vient du mot tourian, hein, qui signifie de dépasser sa limite ou de transgresser. Et qu'est-ce qu'on veut dire ici par le fait de juger selon le tarout? On parle de juger par autre que la révélation d'Allah, hein, comme la laïcité par exemple, ou la démocratie, ou des choses de ce genre. Donc le cheikh, il dit que l'obligation pour les musulmans, c'est de juger selon le livre d'Allah et la sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam. Wa al-wajibu ala al-muslimin at-tahakum ila kitabillahi wa sunnati rasulihi. Qala ta'ala, fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah wa rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Wa karahatu at-tazwij بين العيدين عيد الفطر وعيد الأضحى وهو من التشاؤم بالأيام المنهي عنه وهو نوع من الطيرة وقد شرع الله التزويج في جميع الأوقات ما عدا حالة الإحرام بحج أو عمرة ولا دخل للأيام في نجاح التزويج أو في فشله وإنما هذا بيد الله سبحانه وتعالى والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Donc le cheikh, il termine en disant que l'obligation pour les musulmans, c'est de juger selon le livre d'Allah et la sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam, comme il le dit dans le verset 59 dans sourate An-Nisa. Et si vous divergez en quoi que ce soit, alors ramenez-le à Allah et à son messager, si vous croyez réellement à Allah et au jour dernier. Et il mentionne comme dernier exemple de superstition les gens qui refusent de se marier ou qui détestent se marier entre les deux Eid, hein, Eid al-Fitr et Eid al-Adha, hein, parce qu'ils croient que ce sont des jours qui portent malchance ou qui sont des jours de mauvaise augure ou des choses de ce genre. Donc ça fait partie de At-Tiyara, c'est-à-dire les gens qui croient aux mauvais présages ou aux mauvais augures. Et Allah subhanahu wa ta'ala a légiféré le mariage à tout instant, à tout moment. Il n'y a pas un moment spécifique où c'est détestable ou déconseillé, excepté lorsque quelqu'un est en état d'ihram, soit dans le hajj ou dans une umrah, alors dans ce cas-là, il n'a pas le droit de faire, de conclure un contrat de mariage. يعني نعم. ولا دخل donc les jours n'ont aucun rapport non plus avec le succès ou le يعني l'échec d'un mariage. Les jours n'ont rien à voir avec l'échec ou le succès d'un mariage. Tout est entre les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala, et Allah sait mieux. Et que la paix et le salut soient sur le messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et sur ses fidèles et sur sa famille et ses compagnons en entier. Donc on va s'arrêter ici, on a terminé le livre aujourd'hui, Sharh Masail al-Jahili. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous accepter, d'accepter cette action de nous et de faire en sorte qu'il soit fait avec ikhlas, avec sincérité pour lui, et de rendre tout ce qu'on a appris dans ce livre-là bénéfique pour nous dans cette dunya et dans l'akhirah. Et puis, inshallah, donc on va continuer la semaine prochaine avec le livre du Cheikh Ahmed Bazmoul sur l'explication de la parole de l'imam Muhammad ibn Sirin. Inna hadha al-ilm din, fanzuru amman ta'khuduna dinakum. C'est-à-dire, cette science est la religion. Alors, faites attention de qui vous prenez votre religion. Et donc, on va lire le livre du Cheikh qu'il a écrit à ce sujet-là, qui est très très bénéfique, qui nous explique justement la signification de cette parole. Donc, on s'arrête ici maintenant pour aujourd'hui. Puis, demain, on commencera un cours sur justement les paroles des ulama au sujet du soi-disant rapprochement et du soi-disant dialogue entre les religions. On en a parlé aujourd'hui dans le Dars. Puis on va lire les paroles plus détaillées des ulama à ce sujet-là, inshallah, à partir de demain. Donc on s'arrête ici. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayh. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khayran. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.